c'est même causé. Chaque jour levé, pour ta cage, je une solution. Pendant 7 ans, même comportement, on va pas sauver. Yo, humilié, yo, drivé, yo, yo, pas bon. Jusqu'à présent, c'est pas dans tout côté où on va étudier. Jusqu'à présent, c'est pas dans tout côté où on va jouer le travail. Jusqu'à présent, même sous reconnaissance, yo, humilié. Avancer.